femme meurtrie dans ses entrailles, femme qui pleure l'enfant perdu, femme égorgée par ceux qui tuent et qui sont fiers de leur bataille, femme éternelle, sèche tes larmes. Femme à genoux, ne prie plus au nom de celles qui se sont tues. Femme courage, femme qui navigue en quarantaine entre un divorce et 10 chômages. Femme qui vit sans avantage et qu'on a mise en quarantaine. Femme mariée en triste noce, trop jeune encore et sans savoir. Femme qui ne parle qu'à son miroir. Femme que l'on tient avec des gosses. Tu es la fille du soleil, tu marches seule avec la pluie. L'enfant qui contre toi sommeille, c'est ton enfance qui s'enfuit. Femme fardée au bras d'un homme, sans jouissance, sans un seul cri. Femme qui se donne à son mari, qui voudrait dormir sans personne. Femme qui boit pour oublier les jours qui passent, qui s'enfuient. Toutes les journées où elle s'ennuie. Femme qui pleure sur l'oreiller. Femme vieillarde qu'on asile, corps outragé sans importance. Finir sa vie sans qu'elle commence. Femme isolée sans domicile. Femme dans le monde qu'on assassine. 20 ans debout face au bourreau. Femme qui meurt dans son bureau. Meurtrie cassée, femme anonyme. Tu es la fille du soleil, tu marches seule avec la pluie. L'enfant qui contre toi sommeille, c'est ton enfance qui s'enfuit. Femme adulée, suite princière, avec pour seule touche de vie le droit de briller, de se taire, prisonnière d'un faux paradis. Putain de luxe, sexe et combine. Cocktail pour banquiers inhumains. Pauvre suicide de Marilyn. Riche et célèbre, morte pour rien. Femme révoltée, femme gavroche. Femme debout seule sur la piste. Femme qui repeigne son petit mioche comme dans un vieux film réaliste. Femme naissante sur cette terre, fille de reine ou fille de rien. Vous êtes toutes au ciel des mers, le rêve de tous les orphelins. Tu es la fille du soleil, tu marches seule avec la pluie. L'enfant qui contre toi sommeille, c'est ton enfance qui s'enfuit. Femme que j'appelle dans ma détresse, petite étoile à mon destin. Lorsque mes rêves te caressent, j'ai le cœur qui touche le tien. Amour blessé, amour sans gloire, amour tout seul au petit matin. Femme qui hante mon espoir, femme qui a croisé mon chemin. Tu es la fille du soleil, tu marches seule avec la pluie. L'enfant qui contre toi sommeille, c'est ton enfance qui s'enfuit. Tu es la fille du soleil, tu marches seule avec la pluie. L'enfant qui contre toi sommeille, c'est mon enfance qui s'enfuit.